Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Dick Cheney, un faucon à la Maison-Blanche. A few weeks ago, Dick Cheney says he thinks I'm the worst president of his lifetime. Which is interesting because I think Dick Cheney is the worst president of my lifetime. Le président américain Barack Obama se payant la tête de l'ancien vice-président Dick Cheney lors du traditionnel gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche le 25 avril 2015, Barack Obama rappelle dans cet extrait que Dick Cheney a récemment affirmé qu'il avait été le pire président qu'il ait connu. Intéressant, rajoute Barack Obama, qui estime, lui, que Dick Cheney a été le pire président que lui-même ait connu. Et quand Barack Obama parle de Dick Cheney comme du président Cheney, il ne commet pas de lapsus, il souligne plutôt avec ironie l'énorme pouvoir qu'avait Dick Cheney sous la présidence de George W. Bush. Live from Camp David, a special edition of Meet the Press with Tim Russert. An exclusive interview with Vice President Dick Cheney. I think the important thing here, Tim, is for people to understand that things have changed since last Tuesday. Je pense que la chose la plus importante que les gens doivent comprendre, c'est que rien n'a changé depuis mardi dernier. Nous faisons face à une situation où le terrorisme a frappé à l'intérieur des États-Unis. Nous avions été la cible d'attentats terroristes auparavant, particulièrement à l'étranger, qui visaient nos forces armées et notre personnel sur le terrain. Mais cette fois-ci, avec ce qui s'est passé à New York et Washington, c'est considérablement différent. It's a qualitatively different set of circumstances. It's also important for people to understand that this is a long-term proposition. C'est aussi important que les gens comprennent qu'il s'agit d'un engagement à long terme. Ce n'est pas comme l'opération Tempête du désert qui avait été mise en place pour quelques mois et qui s'est terminée après 4 jours de combat. Nous entamons ici un travail qui peut durer des années. This is going to be the kind of work that will probably take years. Le vice-président Dick Cheney, à l'occasion de la présentation d'une édition spéciale de l'émission Meet the Press, présentée en direct de Camp David quelques jours après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Pour nous parler de la vice-présidence de Dick Cheney, l'une des plus déterminantes de l'histoire récente des États-Unis, mon invité Karine Prémont, collaboratrice régulière, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur ce 11 septembre 2001 qui va considérablement, qui va tout changer, en fait, pour la présidence de George Bush et pour la vice-présidence de Dick Cheney. Qu'est-ce que ça va changer, ce 11 septembre? Ça va tout d'abord donner de la crédibilité et de la légitimité à George W. Bush. On se rappelle qu'il a été élu en 2000 dans la controverse. Et ça va donner, évidemment, une direction complètement différente à la politique étrangère des États-Unis à ce moment-là. Dick Cheney le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre. On va réorienter cette politique-là. Et quand on l'entend, rétrospectivement, ça fait presque peur. Est-ce qu'il sait exactement ce qui s'en vient? Je suis pas certaine qu'il sait exactement ce qui s'en vient, mais je pense qu'il sait ce qu'il souhaiterait faire, ce qu'il souhaite accomplir. Et c'est là où sa grande expertise des questions de sécurité, des questions de terrorisme va entrer en jeu. Et c'est ça qui va lui permettre, c'est ça qui va lui donner cette opportunité, en fait, d'être si influent au sein de l'administration de W. Bush. On dit souvent l'occasion fait le larron. Et dans ce cas-ci, le 11 septembre va faire W. Bush d'une part, mais aussi Dick Cheney. Oui, parce que W. Bush continue d'être quelqu'un qui est vu comme sans expérience, un faible. Oui, une légitimité nouvelle avec les événements du 11 septembre. Le pays se rassemble derrière son président, mais il a quand même besoin. Puis là, on revient aux raisons fondamentales pour lesquelles, d'abord, il a choisi Dick Cheney et pour lesquelles Dick Cheney, dit-on, est un des vice-présidents qui aurait été le plus influent, il a besoin de cet homme-là derrière lui. Il a besoin de cet homme-là, il a besoin de son conseil, de son expérience, de son calme, de sa grande connaissance des mécanismes politiques, des mécanismes du monde des affaires, des mécanismes militaires, des mécanismes médiatiques. En fait, cet homme-là a une connaissance de Washington et de son mode de fonctionnement dont W. Bush ne peut pas se passer, en particulier pendant cette période de crise nationale et internationale, en fait. Et c'est là où il va se fier à son vice-président, comme peu de gens avant lui, peu de présidents avant lui. Ce qui est fascinant quand on regarde cette vice-présidence de Dick Cheney également, c'est qu'elle est, elle se scinde en deux. C'est deux moments précis, très facilement identifiables. Il y a deux vice-présidences. Il y a la vice-présidence du premier mandat et celle du deuxième mandat. Comment elles se distinguent? Très facilement, pendant le premier mandat, Presque toutes les recommandations de Dick Cheney seront prises en considération par le président, seront adoptées, seront mises en place. C'est l'une des voix les plus fortes au sein des réunions du Conseil de sécurité nationale, là où s'élabore la politique étrangère américaine. C'est la dernière personne à qui George W. Bush parle avant de prendre une décision. C'est un homme très important. Pendant le deuxième mandat, malgré une réélection de W. Bush en 2004, les critiques à l'égard de la guerre en Irak, les insuccès de l'administration à différents niveaux vont miner progressivement cette influence-là. Et tranquillement, le président, prenant de l'assurance aussi, il faut dire qu'un deuxième mandat permet souvent au président inexpérimenté de mieux comprendre comment ça fonctionne, bien, progressivement, le président va se mettre à considérer son vice-président à l'égal des autres conseillers de son administration. Mm-hmm. Et Cheney va perdre graduellement son influence. Bon, Cheney n'arrive pas à la vice-présidence des États-Unis par hasard. Il a un très, très long parcours derrière lui. Oui, c'est quelqu'un qui a d'abord étudié en sciences politiques. Il a amorcé même des études doctorales qu'il n'a pas complétées. Mais c'est quelqu'un qui a aussi, comme étudiant, travaillé au sein du Sénat de son État, le Wyoming, pendant quelques mois. Il a aussi travaillé pour un gouverneur républicain au Wisconsin. Et c'est aussi, il faut le dire, quelqu'un qui a été le plus jeune chef de cabinet de l'histoire. Donc, et c'est là où il fait son entrée à Washington, c'est là où il fait son entrée à la Maison-Blanche. Il va devenir en 1974, à l'âge de 34 ans, le chef de cabinet de Gerald Ford, qui a remplacé Richard Nixon. Mm-hmm. Et il va, à ce moment-là, rencontrer notamment Donald Rumsfeld, qu'il retrouvera plus tard au sein de l'administration de W. Bush. Donc, il va très jeune avoir ce contact privilégié avec le pouvoir, avec d'autres personnes aussi qu'il côtoiera tout au long de sa vie professionnelle. Et quand Ford va perdre les élections en 1976 contre Jimmy Carter, Cheney se présentera au Congrès des États-Unis. Il sera élu comme représentant pour 6 mandats consécutifs, alors comme représentant républicain du Wyoming. Et donc, on comprend qu'il développe à ce moment-là ses connaissances, ses contacts aussi qui lui seront particulièrement importants durant la présidence de W. Bush. Un homme, vraiment un homme de la machine, du sérail. Ce qui est particulier aussi dans le cas de Dick Cheney, c'est qu'il va servir les deux présidents Bush, père et fils. Oui, il sera d'abord nommé secrétaire à la défense de George H. Bush, le père. Il va s'occuper à ce moment-là des questions très importantes comme la désintégration de l'URSS. Ça se produit à cette époque-là. Il l'a dit lui-même également, il a parlé de la guerre du Golfe. Il aura aussi à gérer des diminutions importantes des budgets militaires. Alors, il va très rapidement être dans le bain, être dans l'urgence, être dans la crise et va devoir prendre des décisions fondamentales à titre de secrétaire à la défense. Et plus tard, évidemment, il va aussi dans le secteur privé, ce qui lui donne beaucoup de contacts aussi. On se rappelle qu'il a été PDG d'Halliburton, une importante compagnie pétrolière qui sera dans la controverse quelques années plus tard en raison des contrats que cette entreprise obtiendra plus tard lors de la guerre en Irak. Il va y faire fortune. Absolument. Donc ça, c'est pas très surprenant. Ouais. Il va aussi faire partie de différents, ce qu'on appelle les think tanks, les espèces de laboratoires d'idées là aux États-Unis, un think tank conservateur, où il va se lier avec de nombreux néoconservateurs qui vont faire la pluie et le beau temps à Washington sous George W. Bush, à tout le moins durant le premier mandat. Donc, c'est quelqu'un qui a une forte expérience sur les questions de sécurité, sur les questions de politique étrangère, et c'est pour ça qu'il va savoir se rendre indispensable au sein de cette administration du fils de W. Bush quelques années plus tard. Bon, dans quelles circonstances va-t-il devenir vice-président? C'est intéressant parce qu'au début, il ne veut pas, en tout cas officiellement, il ne veut pas de ce poste-là. Officiellement, il ne veut pas de ce poste. George W. Bush va le nommer, en fait, à la tête du comité de sélection du colistier. Ouais. Donc, c'est rare que c'est une décision qui se fait comme ça spontanément. Généralement, on va avoir un comité qui va évaluer les candidatures, essayer de trouver la personne qui serait la plus adaptée pour être éventuellement vice-président, donc le colistier du candidat présidentiel. Et finalement, quand Cheney va regarder la liste des critères, quand il va discuter ensuite avec tout le monde, il va parler avec George W. Bush qui va lui dire, finalement, c'est toi qu'on veut. Ouais. C'est toi que ça me prend parce que tu as cette expérience que je n'ai pas. Tu vas donner de la crédibilité à ma candidature. Et c'est comme ça que, finalement, c'est Dick Cheney qui sera choisi comme colistier. Ouais. Il a une expérience, il a un bagage, un très long bagage dont on a parlé à l'instant. Et ce bagage-là, cette expérience, lui ont aussi donné Karine Prémont. Puis ça va être déterminant pour la suite des choses. Une vision très, très claire de ce que doit être un vice-président. Ça, on y reviendra dans un instant. Mais d'abord et avant tout, de ce que doit être et de ce qu'est la fonction présidentielle. Et c'est ça qui va, je vous dirais, être le point central de sa pensée, de sa vision, de ses actions politiques. Pendant tout le temps où il était au sein de l'administration Ford, ce qu'il a vu, c'est le déclin du pouvoir présidentiel. Ce qu'il a vu, c'est le Vietnam, le Watergate, venir miner progressivement ce pouvoir présidentiel et le Congrès reprendre un peu de ses prérogatives à cet égard-là, notamment avec l'adoption du War Powers Act qui limitait les pouvoirs présidentiels en matière de politique étrangère. Il va voir le Congrès qui va refuser différentes demandes de la Maison-Blanche concernant le Vietnam, concernant les activités soviétiques à l'extérieur, concernant ce qu'on devait faire à l'étranger pour protéger la sécurité des États-Unis. Donc, ce qu'il va voir, ce que lui va considérer, en fait, être la situation à l'époque, c'est cette perte de pouvoir du gouvernement, de la Maison-Blanche, pardon, au profit du Congrès. Alors, dès qu'il retournera à la Maison-Blanche, son point central, ce sera de redonner du prestige à la fonction, de redonner du pouvoir au président, oui, en particulier en matière de politique étrangère. Et de la même manière qu'il est clair pour lui que le président doit être un président fort, il est aussi très clair pour lui que le vice-président lui-même doit être un vice-président fort. Tout à fait. Il ne va pas là pour être un joueur de second plan. Il veut être un acteur politique. Il veut prendre des décisions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que W. Bush l'a choisi. Il a dit, moi, je veux quelqu'un qui va m'aider à gouverner, non pas quelqu'un qui sera là pour couper des rubans aux cérémonies. Parce que jusqu'alors, il faut dire que la fonction de vice-président, c'est pas une fonction très prestigieuse. C'est une fonction qui sert souvent de tremplin vers la présidence, mais très peu ont réussi. Dans l'histoire contemporaine, à part le père de W. Bush, George Bush, personne n'avait réussi à passer d'une fonction à l'autre là, en un mandat. Alors donc, Cheney, ce qu'il veut, c'est être un acteur de premier plan au sein de cette administration. Un des avantages qu'il a, c'est qu'il n'a aucune ambition présidentielle, ce qui fait qu'on lui laisse beaucoup de pouvoir sur les nominations, sur les politiques. Là, c'est ça qui va se passer. Et c'est ça la clé. Quand le président sait que son vice-président ne souhaite pas prendre sa place, bien, on est porté à ce moment-là à lui confier des responsabilités, à écouter davantage ses conseils. Il y a cette relation de confiance qui se bâtit. Et je vous dirais qu'il est la clé de la relation entre la présidence et la vice-présidence. Il faut que cette confiance-là existe. Et justement, W. Bush va lui demander des conseils pour la nomination de certaines personnes et pas des moindres. Notamment, c'est Cheney qui va conseiller le retour de Rumsfeld à la Maison-Blanche. Il va également suggérer Paul Wolfowitz, qui va être un joueur central aussi de la guerre en Irak. Colin Powell également, le secrétaire du Trésor, Paul O'Neill. Donc, déjà, il installe ses pions, il a des oreilles un peu partout dans cette administration-là. Et tout ce beau monde, c'est ce qu'on a qualifié de faucon, là, cette équipe de conservateurs un peu va-t-en-guerre, pur et dur. Une équipe constituée de faucons, de néoconservateurs, effectivement, sauf Colin Powell, ouais, qui est dans une classe un peu à part à ce moment-là. Mais c'est une équipe également que Cheney va se construire. Il va avoir les ressources pour avoir du personnel qui va lui permettre de donner des avis très détaillés. Il va se construire une équipe de politique étrangère assez substantielle qui va lui permettre de donner des avis très détaillés, d'avoir des avis sur tout, en fait, sur toutes les questions de politique étrangère. Et ses relations avec les membres du Congrès qui l'ont pendant 6 mandats consécutifs vont lui être fort utiles quand ce sera le temps de faire adopter des positions un peu délicates au sein du Congrès. Cheney va pouvoir jouer sur ses influences à ce moment-là, sur ses relations au Congrès. On le disait, Karine Prémont, ce qui est assez frappant dans cette vice-présidence de Dick Cheney, c'est qu'il y a un vice-président très puissant durant le premier mandat, un vice-président qui ne l'est que beaucoup moins dans le deuxième mandat. Puis il y a vraiment une dégradation, une perte d'influence de Dick Cheney dans ce deuxième mandat. Il y a un point d'orgue dans cette mise à l'écart qui va se produire en 2006, au moment où le bon Dick Cheney blesse par accident l'un de ses compagnons de chasse. Le vice-président, à ce moment-là, devient objet carrément de moquerie, source d'embarras pour la Maison-Blanche, comme le rapporte, écoutez ça, Sophie Landlois, au Téléjournal du 14 février 2006. Depuis 3 jours, une drôle d'histoire de chasse passionne les Américains. Quand le vice-président le plus puissant du monde tire par accident sur un bon ami républicain, au lieu de tuer une caille, c'est du bonbon pour les humoristes. But when the ambulance got there, out of force of habit, they put Cheney on the stretcher. He's going, no, the other guy, the other guy! Par habitude, les ambulanciers ont mis Cheney sur la civière, dit Jay Leno, qui se moque des nombreux malaises cardiaques du vice-président. À la Maison-Blanche, on trouvait ça moins drôle d'être obligé d'admettre lundi que Dick Cheney avait attendu de longues heures avant d'alerter le président et son entourage. Cela fait 2 jours que le porte-parole de George Bush se fait bombarder de questions sur l'incident de chasse. On vous a tout dit hier, dit Scott McClellan, qui aurait bien aimé tourner la page sur cette histoire de chasse. Mais en début d'après-midi, un nouveau chapitre s'écrivait. Nous l'avons immédiatement renvoyé aux soins intensifs, dit un des médecins qui soigne Harry Whittington. L'homme blessé par Dick Cheney, un avocat millionnaire de 78 ans, a eu un malaise cardiaque ce matin en raison de la présence de petits plombs dans la région du cœur. La victime a été criblée de petits plombs samedi quand le vice-président a perdu le contrôle de son arme de chasse. Les médecins ne craignent pas pour sa vie, mais son état va nécessiter une surveillance attentive pendant 7 jours. Cet épisode de l'accident de chasse de 2006, il est très révélateur, Karine Prémont, sur cette dégringolade que va vivre Dick Cheney. Ça nous dit quoi, ce qu'on vient d'entendre, sur ce qui se passe pour lui au cours du deuxième mandat? Cet événement-là, pour absurde qu'il soit, là, quand on l'examine attentivement, il est révélateur parce que c'est vraiment la fin de Dick Cheney comme homme de pouvoir à Washington, dans la mesure où maintenant les gens en rigolent plutôt que de le craindre. Et c'est ça qui change pour Dick Cheney, parce qu'auparavant, il faut se rappeler, c'est un type qui fait peur. Ouais. Quand c'est lui qu'on envoie faire des entrevues, c'est parce que l'heure est grave, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. C'est quelqu'un qui est pas très, qui rigole pas facilement, contrairement à W. Bush, qui avait l'air d'un type un peu plus enjoué, je vous dirais. Dick Cheney, c'est le visage de la sévérité de la situation. Alors cet événement-là va mettre un terme à ça. Les gens n'ont plus peur de Dick Cheney. Mais il faut dire aussi que c'est la conséquence, je vous dirais aussi, d'une série d'autres événements. C'est-à-dire que on parlait de la nécessité de la relation de confiance. Il faut se rappeler que la vice-présidence, c'est ce que le président veut bien en faire. C'est toujours le président qui décide de ce que sera son vice-président. Et la relation de confiance s'est détériorée au fil du temps. Tout d'abord en raison des critiques de plus en plus virulentes sur les décisions que prenait Dick Cheney, sur la guerre en Irak, sur la torture, sur Guantanamo. Toutes les décisions controversées de cette administration-là émanent d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, du bureau de Dick Cheney. Ouais. Le président, on l'a dit, avait pris de l'assurance, mais il faut parler des méthodes peu orthodoxes du vice-président aussi, qui n'avait pas grand-chose à faire de l'opinion publique, qui n'avait pas grand-chose à faire des organismes internationaux, des institutions internationales. Et on s'est rendu compte, le président s'est rendu compte aussi, que Cheney lui avait caché des conséquences juridiques et politiques importantes de programmes de surveillance des États-Unis exercés sur des citoyens américains. Alors, à partir de ce moment-là, cette relation de confiance n'existe plus. Mm-hmm. Bush n'a plus autant besoin de son vice-président. Et puis, il y a un ménage qui a été fait aussi, parce que ses politiques ont été assez catastrophiques, certaines de ses politiques, dans l'opinion publique. Et donc, il y a des secrétaires aussi, des ministres, en fait, qui vont se voir montrer la sortie par George Bush dans le deuxième mandat. Le bilan de Cheney, c'est remarquable parce qu'encore une fois, il a énormément d'importance dans le premier mandat, mais il va être très, si c'est un des vice-présidents les plus influents, c'est probablement l'un des vice-présidents qui sera aussi le plus critiqué. Écoutez l'extrait du reportage qui suit. Il est en tournée de promotion au Canada. Il vient de publier un livre. On est en 2011, en septembre 2011. Extrait du reportage de Frédéric Arnould. Il y a des gens à ce moment-là, sur ce bilan de Dick Cheney, qui disent « Ce gars-là, c'est un criminel de guerre. » Il n'aurait manqué l'occasion pour rien au monde. Tous unis pour réclamer la tête de Dick Cheney, un criminel de guerre selon eux, qui mérite d'être en prison. Arrest Dick Cheney! Arrest Dick Cheney! Arrest... Une publicité qui a de quoi réjouir la fondatrice du club de lecture qui organise la conférence avec Dick Cheney. Elle défend son choix en parlant de la liberté d'expression au Canada pour tout le monde. Loin des caméras, l'ancien vice-président américain s'adresse, dans ce chic endroit de Vancouver, à des convives qui ont payé $500 pour l'écouter parler de son livre « In My Time », où il règle ses comptes en politique et défend ses décisions controversées, comme les méthodes d'interrogation de détenus, humiliation, noyade simulée, privation du sommeil, autant d'abus dans la prison d'Abu Ghraib. Abus aussi sur des détenus canadiens comme Maher Harar et Omar Kader. Autant d'admissions de crimes selon l'organisme américain Human Rights Watch, qui demande au Canada d'arrêter Dick Cheney à Vancouver afin qu'il soit traduit en justice. Les pays signataires de la Convention des Nations Unies sur la torture, comme le Canada, devraient ouvrir une enquête. Devant le silence d'Ottawa et à moins d'une surprise exceptionnelle, Dick Cheney ne sera pas arrêté en sol canadien. Il pourra donc poursuivre sa tournée de promotion à Calgary mardi. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Vancouver. Bilan vraiment très, très contesté de Dick Cheney. Karine Prémont, c'est clair avec ce qu'on vient d'entendre. C'est clair parce que d'une part, c'est, je vous dirais, un des hommes politiques les plus détestés de Washington. Quand il a quitté la Maison-Blanche, il avait un taux d'approbation de autour de 13-14%. À titre comparatif, quand on regarde les autres vice-présidents, notamment Joe Biden, celui de Barack Obama, on est autour de 50%. Alors, c'est très révélateur. Mais aussi, justement, en raison de je vous dirais, des cicatrices de la guerre en Irak, de cette controverse qu'a été la torture, qu'a été Guantanamo. Oui. Alors, on le tient responsable des pires décisions de l'administration. Et pourtant, Dick Cheney va persister et signer. Je vous propose d'écouter une entrevue, un extrait d'entrevue à la chaîne américaine Fox que Dick Cheney accorde. On est en 2015, en décembre 2015, et il revient donc sur son bilan sur la torture, Guantanamo, etc. What really bugs me as I watch all this process unfold. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que les hommes et les femmes de la CIA ont fait ce que nous voulions qu'ils fassent dans ce programme. Nous voulions utiliser des techniques perfectionnées et trouver des coupables. On a Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau du 11 septembre, qui a tué 3000 Américains, détruit le World Trade Center, attaqué le Pentagone et qui aurait pu détruire la Maison-Blanche s'il n'y avait pas eu les passagers du vol United 93. Nous savons qu'il est le cerveau des attentats. Que devions-nous faire? L'embrasser sur les deux joues et lui demander « s'il vous plaît, dites-nous ce que vous savez » Bien sûr que non. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour capturer les responsables du 11 septembre. Et nous avons réussi. Catch those who were guilty on 9/11 and to prevent a further attack, and we were successful on both parts. Selon ce rapport, c'est un échec. Ce rapport, c'est de la foutaise. It was not successful. The report's full of crap. Le rapport que balaie du revers de la main Dick Cheney, c'est le rapport du Sénat américain sur l'usage de la torture à la suite des attentats du 11 septembre. Les Américains, quel jugement ils portent de cette administration, de ces politiques de Dick Cheney aujourd'hui, Karine Prémont? Je pense que les Américains auraient aimé mieux que les choses se passent de façon plus nette, plus rigoureuse, plus respectueuse des lois. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, c'était pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que le 11 septembre représentait le crime qui justifiait tous les autres, tous les débordements. Il fallait arrêter ces types-là, il fallait juger les responsables et tous les moyens étaient bons. La fin justifiait les moyens clairement pour Dick Cheney d'abord, pour les Américains ensuite à ce moment-là. Ensuite, quand on voit les débordements, quand on se rend compte que finalement cette guerre-là contre le terrorisme ne peut pas être gagnée de façon décisive, c'est là où les Américains ont des sentiments plus mitigés. Mais je suis convaincue que à cette époque-là, oui, les Américains étaient convaincus qu'il fallait faire ça. Il y avait un état d'esprit, vraiment. Le 11 septembre avait donné un grand, grand coup. Tout le monde était en guerre. Les médias participaient à cette guerre. Exactement. Les États-Unis étaient en guerre. C'était ça l'état d'esprit ambiant. Karine Prémont, merci beaucoup. Merci. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.